tous les voyages sont parfaits. Parfois tout va de travers. Faut l'annuler, plan défait. Tout s'effondre, c'est l'enfer. Seul dans un pays hostile, malade épuisée.